Chapitre 44. Le flambeau stellaire. La station était une merveille qui étincelait dans le vide. Un joyau finement ouvragé brillant dans l'espace et l'une des plus grandes structures jamais bâties hors monde. Sa construction avait mis à l'épreuve les ressources pourtant illimitées de la République galactique, mais c'était justement le but. Même les territoires de la bordure extérieure méritaient ce que la République avait de mieux à offrir. Nous sommes tous la République. C'était le flambeau stellaire et on l'avait enfin achevé. Ni trop tôt, ni trop tard. Il devait servir plusieurs objectifs et subvenir aux divers besoins des nombreux citoyens de la République qui vivaient dans la région. Lorsque deux cultures auraient besoin d'un terrain neutre pour résoudre une querelle, le flambeau serait là. Et si cette dispute devait mal tourner au risque de voir les négociations déboucher sur une guerre, le flambeau était une base militaire abritant un fort contingent de médiateurs issus des mondes de la coalition défensive de la République et exerçant leurs fonctions par rotation. Sa superstructure se composait à 19% de triazurite, un minéral rare qui amplifiait les signaux de transmission et en faisait un énorme relais capable de faciliter, d'améliorer et d'accélérer les communications entre les peuples de la bordure extérieure. C'était un hôpital, un observatoire, une station de recherche, un marché commercial dynamique où l'on échangeait les produits venus de toute la bordure et d'ailleurs. Le flambeau stellaire était ouvert à tous les citoyens et conçu pour leur permettre de découvrir la République dans sa riche diversité, depuis les concerts de filles bruissants donnés par des maîtres Shadrafan aux danses océaniques des Mon Calamari, en passant par les modules présentant la flore et la faune de mondes divers, de Kashyyyk à Kuriva. Tout cela était la République, avec des expositions qui changeaient et que l'on mettait constamment à jour pour fournir une expérience réellement représentative. Et, naturellement, il n'y avait pas de République sans Jedi. Le flambeau stellaire abritait le plus grand temple en dehors de celui de Coruscant afin qu'il serve de plaque tournante aux activités de l'ordre dans la bordure extérieure et au-delà. Conçu par le célèbre architecte Jedi Palo Idala et abritant certains des membres les plus expérimentés de l'ordre, le temple du flambeau offrait tout le nécessaire aux novices, padawans, chevaliers Jedi et maîtres Jedi pour qu'ils puissent servir le peuple et la force. Il manquait toutefois un chef au quartier des Jedi depuis la mort tragique de Maître Jorah Mali dans la bataille contre les Nihil. Mais peut-être que l'on pouvait également pallier cette absence. Des sommités venues de toute la galaxie étaient arrivées pour fêter l'inauguration de la station. Le Third Horizon, qui récemment avait héroïquement participé à tant d'événements d'importance galactique, s'était déjà amarré pour déposer ses passagers. Le croiseur Jedi Ataraxia était là aussi, rattaché de manière permanente au flambeau stellaire comme moyen de transport dédié à l'ordre. Il avait transporté des Jedi venus de Coruscant et d'ailleurs, afin qu'ils puissent assister au grand moment qui allait changer la galaxie à tout jamais. Les visiteurs débarquèrent, tous en tenue festive ou cérémonielle. Les Jedi portaient des écharpes bleues céruléens, vermillon et pourpre en travers de leur tunique blanche et or, avec le symbole de l'ordre brillant de mille feux, telle la lumière de la force s'élevant vers le ciel. Les diplomates, militaires et sommités industriels ou culturels de la République, vêtus des costumes les plus appropriés, offraient un spectacle de divertissement et de faste réjouissant. Le personnel du flambeau les accueillait par groupe pour leur montrer toutes les facettes de la station, la fierté et l'optimisme se lisant sur les visages des visiteurs comme sur ceux des guides. Belz et Tifar étaient venus d'Elfrona avec Indira Stokes et Porter Engel. Les survivants de la famille Blight avaient refusé l'invitation, préférant retourner auprès de leur famille sur Alderaan. Belz était perdu. Il ne comprenait pas ce qui s'était produit, ni comment son maître pouvait se trouver avec lui un instant pour disparaître l'instant d'après. Indira, qu'il avait accepté comme padawan le temps de prendre d'autres mesures, pensait que Loden Greatstorm était mort. Mais pas Belz. Techniquement, il aurait pu prononcer ses vœux de chevalier sur Coruscant, mais il ne parvenait pas à s'y résoudre. Loden Greatstorm aurait dû présider la cérémonie comme le voulait la tradition. Mais désormais, comment faire? Tison cheminait aux côtés de Belz. Cela semblait peu orthodoxe, sans doute, mais qui aurait pu imposer au padawan davantage de solitude encore? Porter Engel marchait avec le groupe, discret, semblant à peine remarquer les splendeurs du flambeau stellaire. Il repensait à ce que cela faisait d'être la lame de Bardotta, se remémorait pourquoi il avait choisi de ne plus jamais tenir ce rôle. Indira songeait à toutes les décisions qu'elle avait prises pendant la tentative de sauvetage sur Elfrona et se demandait si d'autres choix auraient permis de sauver Loden et Otto Blight. Elle l'ignorait et ne le saurait sans doute jamais. Conduit par un autre guide au sein d'un groupe différent, Stellan Gios Avarkris et Elzarman parcouraient ensemble les couloirs bien éclairés de la station, réunis, comme souvent, lorsque les affaires de l'ordre le leur permettaient. Des rumeurs circulaient quant à l'identité du futur dirigeant de la station, maintenant que Maître Jorah était morte, mais ces trois-là n'échangeaient pas de commérages. C'étaient des Jedi, et tous des maîtres, à présent. Le conseil avait finalement autorisé Elzarman à prononcer ses vœux. Il allait enfin savoir ce qu'il attendait dans les profondeurs de l'océan infini qu'était la Force. Ils passèrent devant Skir, le Jedi Trandoshan, qui avait passé beaucoup de temps dans le flambeau pendant sa construction et n'avait donc pas besoin de le visiter. Debout, devant une baie vitrée, il fixait l'espace. Avar le salua, mais Skir ne répondit pas. Il avait survécu à la bataille de Cœur et son bras manquant repoussait, comme chez tous les membres de son espèce, mais la blessure morale que lui avait infligée la mort de Maître Jorah Mali se révélait plus difficile à guérir. Dans la grande salle de réunion qui occupait le cœur du flambeau, Nibasek et Buryaga regardaient la chancelière Lina So se diriger vers une estrade centrale accompagnée de Yarael Pouf, membre du Conseil Jedi. Tous les Jedi de premier plan se trouvaient à bord de la station, y compris Yoda, ce qui en avait étonné certains. D'ordinaire, le vieux maître trouvait un malin plaisir à esquiver toutes les fêtes superflues, mais il était bien là, avec la classe de novice qu'il avait prise sous sa tutelle ces derniers mois. Les raisons qui l'amenaient à assister à l'inauguration du flambeau stellaire lui appartenaient, et à lui seul. Yoda conservait toujours sa réserve. Tout autour de la salle, bien d'autres visiteurs s'étaient rassemblés à l'issue de leur visite guidée pour assister à l'événement du jour. Mikael Soutmani, Joss et Pika Adren, Kevin Tarr, l'amiral Cronara, et même le contremaître Inamin accompagné du lieutenant Peoples. La Jedi prodige Vernestra Ro et son tout nouveau padawan Imri Kantaros venaient d'arriver après avoir eux-mêmes rencontré les Nihil sur Wevo. Des sénateurs, des ministres et des présidents étaient là. Des individus de statuts variés, prestigieux ou non. Des milliers de personnes avaient consenti des efforts extraordinaires pour que ce moment arrive enfin et tous ceux qui le pouvaient étaient venus. Ceux qui n'en avaient pas la possibilité ou qui avaient choisi de s'abstenir avaient reçu un accès à un holo-canal sécurisé afin de pouvoir visualiser et entendre la cérémonie en temps réel. La chancelière So arriva au pupitre. Des droïdes CAM flottaient autour d'elle pour enregistrer cet instant. Elle prit la parole. « Vous le savez, j'ai la vision d'une galaxie de grandes œuvres, toutes reliées, capable d'inspirer l'ensemble des citoyens et de leur apporter la paix. Je crois ces œuvres réalisables, mais pas grâce à moi, ni grâce à des talents spéciaux que je posséderais. Je les crois réalisables grâce à nous tous, parce que nous pouvons collaborer et que nous allons le faire pour arriver à ce but. Nous sommes, chacun d'entre nous, de grandes œuvres. J'ai la vision d'une galaxie où nous employons nos forces à pallier nos faiblesses mutuelles, où nous comprenons et embrassons nos différences en les considérant comme des atouts précieux. Nous sommes une république où chaque voix a son importance, qu'elle vienne du noyau ou de la plus lointaine planète de la bordure. » Elle poursuivit en évoquant les sacrifices réalisés pour garantir la sécurité dans la bordure extérieure et permettre l'achèvement de la station. On se remémora la mort de Edda Cassett, de Loden Gretstorm, un passage qui fit sourciller Belzétifar, de Merven Getter, de Vel Borta, du capitaine Finial Bright et de bien d'autres. La construction d'un monument commémoratif fut proposée. Une autre grande œuvre en l'honneur de toutes les victimes de la catastrophe du Legacy Run et des émergences qui avaient suivi. Une sculpture en plusieurs pièces placée sur le site des émergences de Hetzal, d'Eriadou et d'Abdalis et comportant les noms de tous les disparus. Le discours de Lina So dura exactement le temps adéquat et se termina par ces mots. Cette station sera un symbole de la République dans la bordure extérieure. Un lieu où nous célébrerons notre unité et où nous nous aiderons les uns les autres pour la renforcer. Elle émettra une lueur que chaque habitant de ce secteur verra en permanence. Une flamme. Le flambeau de la République. La lumière. Elle marqua un temps et les droïdes CAM immortalisèrent son expression d'optimisme sincère. Ce n'était pas une politicienne, c'était une femme qui croyait chacun des mots qu'elle prononçait. De l'espoir. Dans l'atrium, des sabres laser s'allumèrent en se découpant sur le paysage étoilé. Il y en avait des centaines de toutes les couleurs de l'ordre Jedi, brandis en hommage. Depuis l'espace, toute personne observant la station aurait pu voir une vive lueur naître dans son cœur, ouvert au regard, et repousser les ténèbres. La lumière des Jedi. Le relais du flambeau s'activa à son tour. Un signal. Un son ressemblant à un tintement audible par tous ceux qui possédaient ne fût-ce que l'équipement le plus rudimentaire à des centaines de parsecs autour de la station. Tous les égarés. Tous ceux qui connaissaient la peur, la confusion, tous ceux qui avaient perdu l'espoir. Tout cela pouvait s'y connecter. Ils pouvaient écouter, et le son les aiderait à retrouver leur chemin. Le flambeau stellaire, premier d'une longue série. Tout allait pour le mieux.